Exode chapitre 37. Puis Betsaleel fit l'arche de bois de Sittim, sa longueur était de 2 coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Et il la couvrit par dedans et par dehors de pur or, et lui fit un couronnement d'or alentour, et il lui fondit 4 anneaux d'or, pour les mettre sur ses 4 coins, savoir, 2 anneaux à l'un de ses côtés, et 2 autres à l'autre côté. Il fit aussi des barres de bois de Sittim, et les couvrit d'or, et il fit entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche, pour porter l'arche. Il fit aussi le propitiatoire de pur or, sa longueur était de 2 coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie. Et il fit 2 chérubins d'or, il les fit d'ouvrage étendu au marteau, tirés des 2 bouts du propitiatoire, savoir, un chérubin tiré du bout de deçà, et l'autre chérubin du bout de delà. Il fit, dis-je, les chérubins tirés du propitiatoire, savoir, de ses 2 bouts. Et les chérubins étendaient leurs ailes, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leur face était vis-à-vis l'une de l'autre, et les chérubins regardaient vers le propitiatoire. Il fit aussi la table de bois de Sittim, sa longueur était de 2 coudées, et sa largeur d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée et demie, et il la couvrit de pur or, et lui fit un couronnement d'or alentour. Il lui fit aussi à l'environ une clôture large d'une paume, et il fit à l'entour de sa clôture un couronnement d'or, et il lui fondit 4 anneaux d'or, et il mit les anneaux aux 4 coins, qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient à l'endroit de la clôture, pour y mettre les barres, afin de porter la table avec elle, et il fit les barres de bois de Sittim, et les couvrit d'or, pour porter la table. Il fit aussi de pur or des vaisseaux pour poser sur la table, ses plats, ses tasses, ses bassins, et ses gobelets, avec lesquels on devait faire les aspersions. Il fit aussi le chandelier de pur or, il le fit d'ouvrage façonné au marteau, sa tige, ses branches, ses plats, ses pommeaux et ses fleurs étaient tirés de lui, et 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches d'un côté du chandelier, et 3 de l'autre côté du chandelier. Il y avait en l'une des branches 3 plats en forme d'amande, un pommeau et une fleur, et en l'autre branche 3 plats en forme d'amande, un pommeau et une fleur. Il fit la même chose aux 6 branches qui sortaient du chandelier. Et il y avait au chandelier 4 plats en forme d'amande, ses pommeaux et ses fleurs, et un pommeau sous 2 branches tirées du chandelier, et un pommeau sous 2 autres branches tirées de lui, et un pommeau sous 2 autres branches tirées de lui, savoir, des 6 branches qui procédaient du chandelier. Leurs pommeaux et leurs branches étaient tirés de lui, et tout le chandelier était un ouvrage d'une seule pièce, étendu au marteau, et de pur or. Il fit aussi ses 7 lampes, ses mouchettes, et ses petits plats destinés à recevoir ce qui tombe des lampes, de pur or, et il le fit, avec toute sa garniture d'un talent de pur or. Il fit aussi de bois de Sittim l'autel du parfum. Sa longueur était d'une coudée, et sa largeur d'une coudée, il était carré, mais sa hauteur était de 2 coudées, et ses cornes procédaient de lui. Et il couvrit de pur or le dessus de l'autel, et ses côtés tout alentour, et ses cornes, et il lui fit tout alentour un couronnement d'or. Il fit aussi, au-dessous de son couronnement, 2 anneaux d'or à ses 2 côtés, lesquels il mit aux 2 coins pour y faire passer les barres, afin de le porter avec elle. Et il fit les barres de bois de Sittim, et les couvrit d'or. Il composa aussi l'huile de l'onction, qui était une chose sainte, et le pur parfum de drogue, d'ouvrage de parfumeur.